Jamais l'argent ne me parut une chose aussi précieuse qu'on la trouve. Bien plus, il ne m'a jamais paru fort commode. Il n'est bon à rien par lui-même. Il faut le transformer pour en jouir. Il faut acheter, marchander, souvent être dupe, bien payé, être mal servi. Je voudrais une chose bonne dans sa qualité. Avec mon argent, je suis sûr de l'avoir mauvaise. J'achète cher un œuf frais, il est vieux. Un beau fruit, il est vert. Une fille, elle est gâtée. J'aime le bon vin, mais où en prendre? Chez un marchand de vin? Comme que je fasse, il m'empoisonnera. Veux-je absolument être bien servi? Que de soins, que d'embarras. Avoir des amis, des correspondants, donner des commissions, écrire, aller, venir, attendre. Et souvent, au bout, être encore trompé. Que de peine avec mon argent. Je la crains plus que je n'aime le bon vin. Mille fois, durant mon apprentissage, et depuis, je suis sorti dans le dessein d'acheter quelques friandises. J'approche de la boutique d'un pâtissier. J'aperçois des femmes au comptoir. Je crois déjà les voir rire et se moquer entre elles du petit gourmand. Je passe devant une fruitière. Je lorgne du coin de l'œil les belles poires. Leur parfum me tente. Deux ou trois jeunes gens tout près de là me regardent. Un homme qui me connaît est devant sa boutique. Je vois de loin venir une fille. N'est-ce point la servante de la maison? Ma vue courte me fait mille illusions. Je prends tout ce qui passe pour des gens de connaissance. Partout, je suis intimidé, retenu par quelque obstacle. Mon désir croît avec ma honte, et je rentre enfin, comme un sot, dévoré de convoitise, ayant dans ma poche de quoi la satisfaire, et n'ayant osé rien acheter. J'entrerai dans les plus insipides détails, si je suivais dans l'emploi de mon argent, soit par moi, soit par d'autres, l'embarras, la honte, la répugnance, les inconvénients, les dégoûts de toute espèce que j'ai toujours éprouvés. À mesure qu'avançant dans ma vie, le lecteur prendra connaissance de mon humeur, il sentira tout cela sans que je m'apesantisse à le lui dire.